Donc cette semaine, le film choisi s'appelle Que la lumière soit. C'est un film d'Arthur Joffé. C'est sorti en France le 8 juillet 1998 et ça a fait 13 000 entrées. Oula, c'est ça, ouais. Quand même. Écoutez, c'est pas mal. Eh ben, ils sont là aussi. On les a tous invités. Ils sont venus en taxi. Ils sont venus avec Clippers. Alors c'était comment ce film? Salut, c'était super bien. C'est génial. Mais ça existe quand même en DVD, sorti aux éditions LCJ, quand même une grosse boîte d'édition. Donc qui l'a vu? Donc apparemment personne ici. Ah bah là, non. Voilà, donc ça ne vous concerne pas. Ah non, en coulisses, si. En coulisses, d'accord. En coulisses, non, je sais pas comment. Non. En régie, il y en a qui l'ont vu. Alors l'histoire, en quelques mots pour vous situer, Dieu ne va pas très bien et il cherche à adresser un message à l'humanité tout entière. Pour y parvenir, il écrit donc un scénario et se met aussitôt en quête d'un metteur en scène sur Terre. En voici quelques extraits. J'existe ou j'existe pas? Je me pose cette question depuis une éternité sans jamais pouvoir y répondre. Ça commence à me porter sur les nerfs à force. Arrêtez cette machine à écrire, prenez votre scénario et plongez sur la Terre. C'est que... c'est grand, la Terre. Cinéma, qui est du point du jour, s'il vous plaît. Maison du Seigneur, écoute. Allô, René, tu m'entends, mon vieux René? Ça y est, je l'ai trouvé, mon metteur en scène. Oh, c'est vrai, vous donc? Oui, parfaitement, dans un coin pourri du vieux Paris. Ah. Ça tombe bouche à quoi? Un peu, mon neveu, oui. C'est une femme. Une femme? Oui, à ton papa. Il faut absolument que je lui parle, c'est très urgent. Donne-moi son numéro, son fax, n'importe quoi. C'est pas malheureux de voir ça. Mais j'en vois tous les jours des comme ça. C'est sûr que les psychiatres, ils ont de beaux jours devant eux, hein. Et la Bible, c'est un bide peut-être? Le plus grand best-seller de tous les temps, c'est quand même moi qui l'ai écrit, non? Ce scénario, il est de vous? Oui, enfin, oui. Un co-auteur peut-être? Non, il est de moi. Votre inspiration. Vous vous imaginez que j'ai une grande où elle vient, votre inspiration? Vous savez, votre scénario? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon scénario? Bah, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais... Mais quoi? Il est magnifique. Alors, on s'interroge fréquemment sur le succès démesuré de tel ou tel film. Récemment, celui de Bienvenue chez les Ch'tis, d'Intouchable ou de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En discordance, il est plus rare que l'on s'attarde sur les échecs, encore moins sur leurs raisons. Justement, comment expliquer que ce quatrième long métrage d'Arthur Joffé se paye en 98 une aussi conséquente gamelle? 13 000 spectateurs au compteur, vous l'avez constaté, c'est vraiment peu. Exceptionnellement, d'ailleurs, Joffé obtiendra l'agrément d'exploiter son film une seconde fois l'année suivante pour une évolution hélas toute relative. Que la lumière soit est pourtant une œuvre majeure au sein de sa filmographie, d'une espièglerie folle, gorgée d'idées salutaires, à l'émotion palpable, l'étincelante bande originale signée Jean-Claude Nachon à sa part de responsabilité, et porteur d'une valeur universellement positive, celle de l'amour avec un grand A, on frôle la perfection. Il est cependant possible de reprocher au film un démarrage poussif. La faute à une première partie hollywoodienne inutilement assujettie par son sujet, mais dès lors que l'héroïne nous est enfin présentée, Hélène de Fougerolles, bellissime, l'histoire s'emballe et le délire s'érige en une superlative épidémie. Pour le plaisir de chacun, l'auteur a plébiscité le top du gratin parmi la grande famille du cinéma français, de Tchéky Cario à Tiki Olgado, en passant par Dominique Besnéard, Patrick Bouchité, Catherine Jacob, Julien Guillaumard, Michel Galabru, Catherine Jacob, Dominique Farrugia, Elissi Moon, Ariel Dombal, Patrick Braudet, Michael Lonsdal, François Morel, Yolande Moreau, Jacques Weber, Zinedine Zoualem, et bien davantage encore, tels que PPDA et même Maïté. En comparaison, les affiches de Papy fait de la Résistance et des quatre adaptations d'Astérix feraient presque pâle figure, d'autant qu'ici, les différents acteurs sont à leur place, le moindre caméo a du sens et nous divertit par la même occasion. C'est un ravissement. Bref, synthétisons. Que la lumière soit une comédie fantastique comme on en voit peu, surtout en France, foisonnante, spectaculaire et dotée d'effets spéciaux avenants, mettant en scène, entre autres délires, le paradis dans l'espace, des anges ou en passe de le devenir, un ours qui danse sur Banana Split de Lio, le tout avec une distincte élégance. Puis, si la morale souligne quelques clichés, par exemple, contre le mal, le bien triomphe toujours, ou l'union fait la force, un peu neuneux, tout ça certes, il est également salutaire de les rappeler de temps à autre. Merci Gilles. Donc on peut le trouver en DVD. Oui. Donc le casting a coûté plus cher que ce qu'ils ont remporté finalement. Ah, totalement, oui, là je pense. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de passages gratuits aussi, enfin de bénévoles. Et il a refait des films ensuite ou il a pu retrouver des budgets ou... Très peu, je crois qu'il en a fait un ou deux, mais oui, il a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Tu m'étonnes. Pauvre homme. Ouais, c'est triste.